j'en me repars vers l'Égypte. Le cœur de Jacob tremble encore, mais la faim pousse vers l'inconnu et la grâce prépare le décor. Joseph voit son frère ébahi, il sort pour cacher son émotion, car la guérison demande parfois un détour par la retenue et le pardon. L'amour se tient souvent juste avant la révélation. Même quand l'amour se cache encore, tu le prépares.